Oh mami Rosa, yonde na pona na kobala kaka seyo. Ma femme rose, oh Rosa, je veux te parler. Ma femme rose, oh Rosa, écoute-moi, c'est pour notre avenir. Nous nous étions mariés officiellement, toutes les deux familles étaient témoins. Aujourd'hui Rosa, ça fait longtemps. Aujourd'hui Rosa, 8 ans de mariage. Oh quel grand plaisir pour nous et nos enfants. Rose, oh, mamie Rose, oh, oh Rosa. Je ne veux plus que nous nous séparons, Rosa, mon épouse. Si tu vois que je te compte, tu me reproches. Et moi aussi, je te reproche. On s'entend entre nous deux dans la maison. Rose, oh, mamie Rose, oh, oh, oh Rosa. Mamie. Je dure longtemps, Rose, mon amour. Il faut qu'il y ait l'entente entre l'homme et la femme. Il faut qu'il y ait l'entente dans leur foyer. Rose, oh, mamie Rose, oh, oh, Rosa. À partir du moment que tu avais accepté de vivre avec moi, oh, Rosa, Rosa, mon épouse, toutes mes souffrances sont aussi tes souffrances. Tout mon bonheur, c'est aussi ton bonheur. Toute ma richesse, c'est aussi ta richesse. Il ne faut jamais l'oublier. Rose, oh, mamie Rose, oh, oh Rosa. Rappelle-toi le jour de notre mariage, ce que nous avions juré devant tout le monde. Et tu sauras que moi, Christophe, je suis ton maître. Et toi, mamie Rosa, tu es ma maîtresse. J'irai de toute ma vie. Rose, oh, mamie Rose, oh, oh, oh Rosa. Sukuma. Eh ben mami Rosa, Cholilo, cho, oh mama. Madame Rose, France Channel 12, Onicha. Ah. C'est bien ça. Rosa, Rosa, mama. Rosa, Rosa, mama. Rosa, Rosa, mama. Rosa, Rosa, mama. Rosa, Rosa, mama. Soupa, sang, oh. Thank you. dans les quatre coins. Hein? Jean, Jean. Eh ben Chico, Chico. Otan sofa, sofa, mama, yeah. Okati da Nigeria. Jean, Jean, Jean. Kurumba, ba, kurumba, ba, kurumba, ba. Kurumba, ba, kurumba, ba, kurumba, ba. Kurumba, ba, kurumba, ba, kurumba, ba. Kurumba, ba, kurumba, ba, kurumba, sha. Kento. Oh. Ah, bougez, bougez, bougez, bougez, bougez, bougez. Rose, mama.